Le comité était invité, le Père Noël. Le Père Noël est dans la place. Et tout le monde fait hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. À Noël, c'est à lui qu'on fait appel. C'est le rap du Père Noël. Il a des cadeaux à la pelle. Ouais, c'est le rap du Père Noël. À Noël, c'est à lui qu'on fait appel. C'est le rap du Père Noël. Il a des cadeaux à la pelle. Ouais, c'est le rap du Père Noël. Le Père Noël est dans la place. Il vient nous aider à briser la glace. Pour la fête, il n'a pas son pareil. Yeah, c'est le Père Noël. Il est venu des cadeaux plein sa hotte. Il en aura toujours pour ses potes. Fini de jouer à la belote. Le Père Noël, à fond dans le hip-hop. Le Père Noël est dans la supply. Et c'est comme à que ça se passe. Tu vois gars, on est gaga de ce gars là. Avec Galax son chocolat, ha ha. Il est passé par Bushback, puis par Forback, puis par Careback. Il est arrivé sans peine à Pérenne, avec ses rêves. On est trop fort mais on l'aime bien quand même. À Noël, c'est à lui qu'on fait appel. C'est le rap du Père Noël. Il a des cadeaux à la pelle. Ouais, c'est le rap du Père Noël. À Noël, c'est à lui qu'on fait appel. C'est le rap du Père Noël. Il a des cadeaux à la pelle. Ouais, c'est le rap du Père Noël. Le Père Noël est dans la place. Les petits lutins sont dans la place. Le comité est dans la place. Ouais. Didier Kill, es-tu dans la place? Ouais. Stéphano, es-tu dans la place?